إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on commence aujourd'hui une nouvelle série de cours qui est basée sur l'explication du livre d'un des grands savants de l'islam et qui est Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et pour les frères et les sœurs, ce nom est devenu un nom connu de par tous les livres, tous les titres que ce grand savant a écrit durant sa vie, la science qu'il a délaissée, les élèves qu'il a laissés derrière lui également. Ceci a fait que Cheikh Sa'di, lorsqu'on entend ce nom, pour la majorité des frères et des sœurs, c'est un nom qui est donc connu, communément connu. Et on sait que le Cheikh l'a écrit dans beaucoup de sciences, que ce soit dans le hadith, que ce soit dans le tafsir, mais également, là où il a beaucoup beaucoup apporté le Cheikh, c'est dans les livres, où il a réuni al-qawa'id, les règles, al-usul, les bases, c'est-à-dire des livres qui vont être très utiles. Et comme on le sait, le Cheikh, il a un procédé, il a également une façon d'écrire qui est simplifiée, où chaque personne est apte à comprendre sans avoir un très très grand niveau dans la langue arabe, etc. Donc lui, il a simplifié le Cheikh, ses écrits, il les a rendus accessibles à la majorité des musulmans. Walillah alhamd. C'était une des causes de la réussite et de l'expansion de ces livres. Et on sait que le Cheikh, il a beaucoup donc travaillé sur ce qui est de al-qawa'id ou al-usul. Il écrit beaucoup de livres à ce sujet. Et le livre qu'on va étudier, ça fait partie donc de ces fameux livres que lui, il a écrit, rahimahullah, et qui traite donc de toutes les règles et les bases que l'on trouve dans al-fiqh, dans la jurisprudence, mais également d'autres matières. Même si, pour ce qui est de ce livre, ça va être surtout basé pour ce qui est de la jurisprudence. C'est-à-dire comprendre la législation, comprendre autour de quoi tourne la religion musulmane. Et ça, c'est un point qui est important pour tout musulman, qu'il sache ces points-là, qu'il en ait une bonne connaissance. C'est un bien pour lui, car il a une meilleure vision de sa religion, il aura une meilleure connaissance de sa religion, et donc il en fera une meilleure application dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est le but d'étudier donc ces règles, d'étudier ces bases. Ces règles et ces bases, comme on verra, qui sont bien entendu, qui ont été bâties sur des preuves. Le Cheikh, comme il va l'expliquer dans son livre, et donc Al-Muqaddima, dans la présentation, il va nous dire Amma ba'd, fa'inna ma'rifata jawami' al-ahkami wa fawariqiha min aham al-ulumi wa akthariha fa'ida wa a'zamiha naf'an. Lihada jama'tu fi risalati hadhihi ma tayassara min jawami' al-ahkam wa usuliha wa mimma taftariqu fi al-ahkam liftiraqi hukmiha wa 'ilaliha. Donc le Cheikh va nous rappeler que la connaissance des règles qui sont générales ou des lois qui sont générales, des lois donc qui sont regroupées par des règles. Donc on sait que lorsque la personne elle va étudier la jurisprudence musulmane, elle va voir qu'il y a beaucoup de lois et que ces lois-là, lorsqu'on les étudie une par une, et ce qu'ont fait donc les savants de l'islam, ils les ont étudiées une par une, ils sont aperçus que ces lois-là, pour beaucoup d'entre elles, elles se rejoignaient sur des règles, autour de règles. Et donc, eux, les savants, ils ont istanbatu al-qawa'id, c'est-à-dire qu'ils ont donc extrait, à partir de ces lois, des règles, pour donc comprendre ces lois mêmes. Ça, c'était un des points fondamentaux de ce travail-là qu'ils ont fait, les savants. C'est pour ça qu'il dit, le shir, فَإِنَّ مَعْرِفَةَ جَوَامِعِ الْأَحْكَامِ جَوَامِعِ الْأَحْكَامِ, c'est-à-dire, جَوَامِعِ الْأَحْكَامِ يَجْمَعَ الْأَحْكَامِ, ce qui veut donc réunir les lois. وَفَوَارِقِهَا مِنْ أَهَمِّ الْعُلُومِ وَأَكْثَرِيَ فَائِدًا, également le فَوَارِق. Le فَوَارِق ici, ça va être bien entendu les distinctions. Donc il y a ce qui va réunir les lois, mais également ce qui va nous permettre de distinguer les lois l'une de l'autre. Ça également, le shir, il va nous en parler. Il va nous citer ces points-là à travers son livre. Il nous dit donc que ça fait partie des séances qui sont les plus importantes. Et des séances dont on va en tirer un bénéfice qui est grandiose. Qui vont être très bénéfiques, très utiles donc pour le musulman. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle donc qu'il a rassemblé dans ce livre ce qui lui a apparu, ce qu'Allah Azzawajal lui a rendu donc facile. Et qui vont donc comprendre, comme il est dit le shir, Jawami'ul Ahkam, donc ce qui rassemble les lois, wa usuliha, les bases. وَمِمَّا تَفْتَرِقُوا فِي الْأَحْكَامُ لِفْتِرَاقِ حُكْمِهَا وَعِلَلِهَا, également ce qui va donc différencier les lois entre elles de par donc le statut ou la cause qui ont fait qu'elles sont différentes. Et le shir va nous rappeler qu'il a écrit son livre sur deux catégories, وَقَسَّمْتُوَا قِسْمًا. القسم الأول, il nous dit, في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. Donc ici, le shir dans cette première catégorie, il va nous dire qu'il a réuni donc des règles et des bases qui vont, elles, regrouper donc des lois, comme on l'a cité auparavant. Et qu'il a choisi parmi les règles qui sont importantes et les bases qui sont donc, elles, globales, qui regroupent, sittina qa'ida, c'est-à-dire 60 règles. Donc le shir, ce n'est pas moins de 60 règles dans la première partie du livre qu'il va exposer. En leur donnant donc une explication, un shar, qui va permettre donc de comprendre ce que le shir a voulu dire de par la règle qu'il a citée. Et il va donner également des exemples. Des exemples qui vont permettre donc de comprendre cette règle-là qui va être citée. Et des exemples donc qui rentre bel et bien sous cette règle. Ça, c'est le premier niveau, ou la première catégorie. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. Et donc la deuxième partie, ça va ici concerner ce qui est des différences entre المسائل, les questions qui sont ressemblantes. Donc des questions qui sont ressemblantes mais qui ont en réalité des différences. Et le shir donc il va nous citer et nous énumérer ce qui nous permet donc de faire la différence entre ces lois. Wal ahkam al mutaqaribat, de même donc pour les lois qui sont proches l'une d'elles. Wat taqasim al sahiha, et également donc des subdivisions que le shir il va énumérer et qui nous expliquera également. Pour ce qui est de cette question-là, ou la deuxième catégorie, lorsqu'on dit al-masail al-mushtabihat, il faut savoir que lorsqu'on emploie ce terme al-mushtabihat, c'est celle dont on pourrait traduire par qui se ressemble. Et il faut savoir que dans al-usul, dans les bases, les savants, ils citent trois termes sous ce nom-là, al-masail al-mushtabihat. Ils citent le premier terme qui est al-amthal. Al-Amthal, c'est en réalité Al-Amthal, C'est ce qui va se ressembler sous tous les aspects. Min jami' al-wujuh. Sous tous les aspects. Min jami' al-wujuh. C'est-à-dire, on va dire que ce livre, il est exactement le même que ce livre-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anfal. Et donc ici, ça ne veut pas être voulu par le shir. Parce qu'il dit bien bi-dhikr al-fawariq. C'est-à-dire donc les différences. Par contre, ce qui va rentrer dans cela, c'est les deux prochains termes qui rentrent dans ce terme. Masail al-mushtabihat. Le deuxième terme qui est al-ashbab. Al-ashbab. Al-ashbab. Ici, c'est qu'il va avoir donc une ressemblance sous la plupart des aspects. C'est-à-dire entre deux choses, entre deux règles ou entre deux lois, il va avoir sous la plupart des aspects une différence. Mais on va trouver certaines divergences ou certaines différences. Donc elles se ressemblent sous pratiquement tous les aspects, la majeure partie des aspects, mais sous quelques aspects elles ont une divergence ou une différence. Et donc ici c'est ce qui va entrer dans ce terme, car le cheikh nous a dit al-fawariq, les divergences, les différences, les distinctions. Et le troisième terme, c'est ce qu'on appelle an-nawa'ir. An-nawa'ir. Ça c'est le troisième terme. Et ici ce sont donc les lois qui vont avoir une ressemblance sous quelques aspects, des aspects mineurs, le minimum de ressemblance. C'est-à-dire qu'elles vont avoir très peu de ressemblance, mais qu'elles vont avoir beaucoup de différences entre elles. Tayyib, ça c'est ce qu'on appelle al-nawa'ir. Donc on a al-amfal, al-ashba'u, wa al-nawa'ir. Et tout ça, ça rentre donc fil masail al-mushtabihat. Ça donc c'est pour mieux comprendre ce que le shir a voulu par ce terme-là. Et ce que l'on comprend à travers donc les bases. Ce qu'on va citer également avant de rentrer dans l'explication du livre, c'est pour ce qui est de al-qawa'id. Al-qawa'id qui est le pluriel bien entendu de qa'ida. Ce terme donc qu'on va retrouver. On va retrouver également le terme usul, qui est le pluriel de asl. Asl qu'on traduit par base, et qa'ida qu'on traduit par règle. Pour ce qui est des règles, al-qawa'id, il faut savoir que al-qawa'id, comme on l'a dit peu avant, c'est pour, dans beaucoup de cas, une règle qui va donc être extraite de plusieurs lois. Et donc, lorsque le savant, il a vu que ces lois-là, elles se regroupent autour d'une même règle, alors il en extrait cette règle et il l'a mis en évidence. Tayyib. Donc il se peut que la règle qu'on va étudier, c'est une règle qui est extraite. Et donc les termes qui ont été employés, c'est les termes que le savant lui l'a vu les plus appropriés. Ça c'est une première partie des règles. Mais il se peut également qu'une règle, comme cela arrive pour certaines, ce sont tout simplement des termes prophétiques. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire une parole et cette parole, elle est globale et en réalité, elle est une règle en elle-même. C'est-à-dire que le savant ici, il a eu simplement à reprendre le terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a employé. Et à titre d'exemple, ce qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait expliqué un des livres également de Cheikh Sardi, parmi donc les livres qu'il a écrits, rahimahullah, et qui regroupait 99 hadiths, qui rentraient dans ce qu'on appelle Jawamir al-Kalim, c'est-à-dire donc les termes qui sont globaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a utilisé dans ses paroles à travers donc les hadiths, un hadith qu'on avait vu, qu'on avait expliqué, qui est en réalité également donc ici une loi ou arfan, qui est ici une règle et qui est donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la barar wa la birar, la barar wa la birar. Et donc ici c'est un terme directement qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants ils en ont tiré de cela une règle, c'est-à-dire qu'ils ont pris le terme en lui-même et ensuite ils ont expliqué ce que voulait dire cette règle-là. Donc, la darar wa la dirar, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également une règle. Donc ici, on pourrait la mettre dans la deuxième catégorie, là où ça a été pris directement de la parole du prophète. Contrairement à la première catégorie où ça a été en réalité le choix des termes employés par le savant lui-même ou par les savants. Pour ce qui est du livre, si maintenant on voit qu'il y a 60 règles, donc ça va être un livre qui va être assez long. Il faut savoir que la personne, elle peut comprendre une règle. C'est-à-dire qu'elle arrive par exemple au 6e cours, au 10e cours, au 15e cours. Elle peut comprendre une règle, sans avoir compris les autres règles. C'est-à-dire que pour beaucoup des cas, je dis pour beaucoup des cas, c'est pas de façon absolue, mais pour beaucoup des cas, ce sont des règles qui sont mustaqillah, et donc des règles que l'on peut étudier une par une. C'est-à-dire la personne, elle aura étudié une règle, elle l'aura compris. C'est pas obligé qu'elle étudie les règles qui sont avant pour avoir compris cette règle-là. Donc ça également, c'est un avantage. Ce sont des règles donc qui sont indépendantes. C'est-à-dire que même si on n'étudiait qu'une partie du livre, on aurait pris, alhamdoulilah, un minimum de règles, et c'est déjà une bonne chose. À la kulli hal, pour ce qui est donc de ce livre, et on a vu l'introduction du shir, on a vu donc maintenant les deux catégories. La première catégorie, où on va nous citer donc le qawa'id, dans un premier temps. Il va nous citer donc les règles. Il faut savoir que ce livre également, il a été expliqué par beaucoup de savants. Certains l'ont appelé le Qawaid al-Sa'diya, c'est-à-dire les règles de l'imam Sa'di, si on traduisait. Nisba, il a l'imam Sa'diya, Qawaid al-Sa'diya. Le shir lui-même, il a fait une explication. On va prendre également les explications qu'ont fait les autres savants, c'est-à-dire les fawaïd qu'ils ont apportés également, les exemples qu'ils ont également apportés, etc. On ne s'en tiendra pas uniquement à ce que le shir a dit à travers l'explication lui qu'il a donnée. Et bien entendu, on va citer à chaque fois la règle telle qu'elle est, telle qu'elle a été citée par le shir. Fayaqul le shir, rahmatullah alayh, al-qa'idatu oula. Al-shari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun. Wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Al-shari'u لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. Ça c'est une règle que bien entendu tous les savants sont d'accord sur elle unanimement, et qui est la suivante. Al-Shari'a, c'est le législateur. Al-Shari'a la يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. C'est-à-dire que le législateur n'ordonne que ce qui est de l'ordre d'un intérêt pur, donc khalisa, ou prépondérant, rajiha, prépondérant. Donc, dans tous les ordres que l'on va trouver dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque ordre qu'on va trouver, on va donc s'apercevoir que cet ordre-là va contenir un intérêt, soit un intérêt qui est pur, pur khalisa, ou alors prépondérant, rajiha. ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. Également, le législateur n'interdit ou ne prohibe que ce qui est de l'ordre d'un préjudice pur ou alors prépondérant. C'est-à-dire tout ce qui va être interdit dans la religion, à travers le Coran et la Sunna, dans cette interdiction, on va trouver, et il s'y trouve donc, un préjudice. Que ce préjudice soit un préjudice qui est pur ou alors un préjudice qui est prépondérant. Ça, c'est la première règle. Et c'est une règle qu'on a déjà vue, en réalité. Mais ici, qu'on va détailler plus. La preuve de cette règle-là, même si les preuves, elles sont nombreuses à travers le Coran, à travers la Sunna ou l'Ijma, un des versets qui est cité par les savants pour ce qui est de cette règle-là, et qui est le verset suivant, surat An-Nahl, qui est le verset 90. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Donc certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. On voit ici qu'il y a un amr, donc un ordre, et qu'il y a un nahi, qui est donc une interdiction. Et lorsqu'on voit pour ce qui est de l'ordre, c'est l'adl, un terme qui est général ici, l'adl, la justice. La justice. Wal-ihsan et la bienfaisance. Et on avait déjà vu plusieurs fois, on aura l'occasion d'y revenir, pour ce qui est de la différence entre l'adl, wal-ihsan, également wa-ita-idil-qurba, l'assistance aux proches. Donc on voit que tous ces actes-là, et qui sont généraux, ça rentre bien entendu dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné. Et donc il y a ici une maslaha pour tous ces actes-là. Et au contraire, ensuite du verset, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ, c'est-à-dire qu'il va interdire الْفَحْشَاء, la turpitude, l'acte répréhensible, الْمُنْكَرِ et la rébellion, الْبَغِيِ. Donc tout ça, c'est bien entendu des choses où il y a un très grand préjudice, où s'y trouve un grand préjudice, et donc la religion, elle l'interdit. Donc à travers ce verset du Coran. Et c'est donc à partir de cela, pour la première partie du verset, qu'on va appeler ce qui nous prouve tahsil al-masalih, donc obtenir les intérêts. Et pour ce qui est de la deuxième partie du verset, darul mafasi, ce qui est donc de repousser tout préjudice pour l'homme et pour sa religion. À travers cette règle, on va voir donc qu'il y a à ce moment-là quatre catégories. Quatre catégories. La première catégorie, c'est l'amr bil maslahat al khalisa. Donc la première catégorie, c'est l'ordre. Et cet ordre-là, pour ce qui est d'un intérêt qui est pur. La deuxième catégorie, l'amr bil maslahat al rajiha. Donc l'ordre pour ce qui est d'un intérêt qui est prépondérant. La troisième catégorie, an-nahi an al mafsadat al khalisa. C'est-à-dire donc une interdiction pour ce qui est d'un préjudice qui est pur. Et la quatrième catégorie, an-nahy 'an al-mafsadati ar-rajihah, c'est-à-dire donc l'interdiction pour ce qui est d'un préjudice qui est lui prépondérant. Ici, on va donner des exemples pour toutes les catégories, pour que ce soit clair. Pour ce qui est de al-masalih al-khalisa, les intérêts donc qui sont purs, parmi ce qu'ont cité les savants, al-iman billah, donc la foi en Allah Azza wa Jal, wa tawhidullah, et l'unicité d'Allah Azzawajal, al-ikhlas lahu, avoir donc une pure intention envers Allah Azzawajal. Tout ça, bien entendu, c'est des masalih qui sont khalisa, qui sont purs. Maqsoudatun bidhat. Et elles sont voulues par elles-mêmes. Le fait de les concrétiser, c'est le but même. Ça, c'est la première catégorie. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, parmi ce qu'on cite les savants, donc al-jihad fi sabilillah, c'est-à-dire la guerre sainte dans le chemin d'Allah Azzawajal. Ici, ça rentre dans ce qu'on appelle le masalih al-rajiha, c'est-à-dire un intérêt qui va être prépondérant. Sachant qu'à travers cet acte-là, on va pouvoir renforcer et donner la suprématie à la religion de l'islam. Fihi i'ala'ud-din, wa tathbitu, raffermir cette religion. Et également, donc, repousser la mécréance et ces gens. Dahru kufri wa ahli. Et donc, par cela, dans certains cas, on va être obligé donc de passer par ce qu'on appelle le djihad, sachant que il va avoir donc ici un qatl, c'est-à-dire un combat, et que dans ce combat, automatiquement, il va avoir certaines mafsada ou mafasit. Mais lorsque on voit que al-masalih ici, c'est celle qui va être la plus importante, et donc rajiha, qui va être donc prépondérant, alors à ce moment-là, elle va être ordonnée. Et bien entendu ici, al-qital, c'est-à-dire le combat, ce n'est pas maqsoudatun bidhat, c'est-à-dire ce n'est pas voulu en lui-même, contrairement à la première catégorie. Mais ici, ça va être donc un moyen, c'est-à-dire wasila. Wasila. Ça va être donc ici un moyen. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, également dans son Coran, il nous cite, pour ce qui est du al-qital, al-jihad, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَكُرْهٌ لَكُمْ في سورة البقرة, qui est le verset 216. C'est-à-dire donc qu'on vous a prescrit al-qital, le combat, وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, et il est pour vous désagréable, détestable, al-kur. Donc pour ce qui est de an-nufus, pour ce qui est des âmes, elles détestent donc ce combat, elles n'aiment pas ce combat en réalité, car il contient al-mashaqqa, tout ce qu'il contient donc comme difficulté, etc. Mais lorsque on sait qu'il va y avoir à travers cela une maslaha qui va être rajiha, donc ici un intérêt qui va être prépondérant, non seulement dans cette vie d'ici bas, également dans l'au-delà, alors ça va être ordonné par le législateur. Ça fait partie de ce qu'on appelle le masalih al-rajiha. Pour ce qui est de la troisième catégorie, on rentre ici dans al-mafasid al-mafsada, al-mafasid, qui sont donc les préjudices. Parmi ce qui est cité et ce qui rentre dans ce qui est pur, donc un préjudice pur, al-shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, le polythéisme, ayadam billah. Bien entendu, ça fait partie des plus grands péchés. Et on n'y trouve aucune maslaha, strictement aucun intérêt dans ce qui est du shirk. Et c'est pour ça que les savants l'ont mis dans ce qui s'appelle donc al-mafasid al-khalisa, ce qui est pur comme préjudice. Et donc, bien entendu, la religion donc l'a interdit. De même pour ce qui est de as-sihr, c'est-à-dire la sorcellerie. Également dans la sorcellerie, on ne trouve aucune maslaha. On trouve uniquement le mafsada, minjat al-shara, bien entendu, pour ce qui est, bien entendu, de l'aspect de la religion. Ça, c'est pour ce qui est de al-mafsada al-khalisa. Et ensuite, la quatrième et dernière catégorie, c'est al-mafasid al-rajiha, pour ce qui est des préjudices qui sont prépondérants. Et à titre d'exemple, comme dans ce verset du Coran, qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 19, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. C'est-à-dire qu'ils te demandent à propos de l'alcool, al-khamr, ou al-maysir, donc tout ce qui rentre dans les jeux de hasard, etc. قل فيهما إثم كبير. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur où il s'y trouve un grand péché. Mais en même temps, il se trouve également des avantages pour les gens. Et donc ici, on va s'apercevoir que pour ce qui est de Al-Khamr, même également le Maysir, même s'il contient certains intérêts par rapport à l'homme, bien entendu, pour ce qui est du commerce, pour ce qu'il fait du commerce avec, et donc l'argent qu'il va acquérir à travers cela, on va s'apercevoir que l'if, il est akbar, c'est-à-dire que ici le péché est bien plus grand. El mafsada takun a'da, c'est-à-dire donc qu'elle va être bien plus grande. Et on sait ce que l'alcool a comme effet négatif sur l'homme et les fléaux dont il est la cause. Ayadan billah. Et donc on voit ici que ça fait partie donc dans ce qu'on appelle mafasid al-rajiha. On voit que le mafsada hiya huna rajiha, c'est-à-dire qu'elle est prépondérante. Donc le législateur l'a rendue interdite. Sous cette règle, bien entendu, on va rappeler des masaïl, c'est-à-dire des questions qui viennent se poser par rapport donc à cette règle, pour encore donc mieux la comprendre et apporter donc des points supplémentaires. Il faut savoir que pour ce qui est de la parole du shir ici, lorsqu'il a rapporté cette règle, donc il est clair pour lui, et également pour beaucoup de gens de science, que mafsada qad takun khalisa, donc elle peut être pure. Certains savants ont dit qu'il n'existe pas, qu'il ne peut exister réellement d'intérêts qui sont dits purs. D'intérêts qui sont dits purs. Tout simplement parce que même lorsqu'on cite les actes de bien, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans al-ibada, etc., donc les adorations, etc., eux vont dire que même si c'est un intérêt qui est pur, on va retrouver ce qu'on appelle à l'intérieur de ces actes-là al-mashaqqa, c'est-à-dire la difficulté. Et donc cette difficulté, elle est par rapport à l'homme, ce qui est pour lui quelque chose de difficile donc à accomplir, bien entendu. Mashaqqa. Ce qu'on appelle donc la difficulté, ce qu'on traduit par la difficulté. Et on sait, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit Huffat al-Jannah bil makari, c'est-à-dire que le paradis, il était caché, bien entendu, dans cette ville ici-bas, à travers les actes, bil makari, parce que en réalité l'âme déteste dans certains cas. Titre d'exemple, de faire les ablutions lorsqu'il fait très froid avec de l'eau froide, c'est quelque chose qui rentre dans al-makari. Taïb, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé cela fadhalikum al-ribat. Fadhalikum al-ribat. Et donc ici, il y a bel et bien une masharqa. Pour l'homme, ce n'est pas considéré comme un intérêt qui est pur, ici, le fait de faire cette difficulté, pour obtenir ensuite, donc, cet intérêt. Et donc, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, dans son livre, Iftah al-Dar al-Sa'ada, dans ce livre, il va expliquer en réalité, pour mettre en évidence les deux parties des savants, ceux qui ont dit qu'en réalité, il y a al-maslahat al-raja'a, ceux qui ont dit qu'elle n'existe pas. Il dit tout simplement que si la personne, elle veut, bil-mafsada, donc ici c'est des termes qui sont repris, s'il veut, in urida bil-mafsada, s'il veut donc, par le terme al-mafsada, qui est le préjudice, al-mashaqqa, donc la difficulté, alors il est clair qu'il n'y a pas fil-wujud maslahatun khalisa. Si on part de ce principe-là, alors on va comprendre qu'il n'y aura jamais une maslahat qui est dit khalisa, qui est pure. Par contre, si on veut, en l'acte lui-même, comme à titre d'exemple, l'ibada, c'est-à-dire les adorations, comme la prière, la dhikr, etc., alors on va s'apercevoir que l'acte en lui-même, c'est bel et bien un intérêt qui est pur. Donc, il est clair qu'on ne va jamais trouver dans cela une mafsada. Donc, si on veut cet aspect-là, alors il est clair qu'il y a une maslahatu rajah. Et si on veut, par le terme donc mafsada mashaqqa, alors il est clair qu'il n'y a pas en réalité de maslahatun rajah. Donc en réalité, c'est tout simplement pour comprendre les termes ici qui sont employés par certains savants qui ont dit qu'on ne trouve pas de maslahatun rajah. Mais lorsqu'on voit donc à travers les règles que le shir il a citées et comme elle a été expliquée, on s'aperçoit donc que c'est plus que clair et qu'il y a bel et bien maslahatun donc rajiha et qu'on veut par là l'acte en lui-même et ce qu'il apporte comme bénéfice et que donc il n'y a que du bien, qu'il n'y a donc que du bien et pas donc la façon de l'acquérir où il peut y avoir une mashaqqa. Donc cet aspect là on pourra la comprendre de cette manière. À la kulli hal, ici c'est pour citer ce que les savants ils ont dit et donc pour certains d'eux ils ont dit on ne trouvera jamais de maslahatun rajiha illa fi jannah. On ne trouvera jamais de mafsadatun rajiha illa finnar. C'est-à-dire que jamais on trouvera vraiment un bénéfice qui est pur à 100%, donc sans qu'on y trouve donc de mashaqqa, sauf dans le paradis. Ensuite, parmi les questions également qui sont citées sous cette règle-là, est-ce qu'il y a une cinquième catégorie? Et cette cinquième catégorie qui serait donc de l'ordre de l'égalité entre al-maslaha ou al-mafsadat. Donc, tasawat al-maslaha ou al-mafsada. C'est-à-dire qu'elle serait donc égale. Et comme l'ont cité les savants, ça c'est quelque chose qui est strictement impossible et qui n'existe pas. Contraire, la yaliqu bi hikmatillah. Contraire en réalité à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. C'est pour ça que automatiquement, dans chaque chose, on va soit trouver un intérêt qui va être prépondérant, qui va donc prendre le dessus sur le préjudice, ou alors le contraire, on va trouver donc le préjudice qui va prendre le dessus sur l'intérêt, mais jamais les deux seront égaux. On trouvera une égalité parfaite entre les deux. Également parmi les questions que l'on trouve, c'est qu'al masalih également al mafasid, parce qu'on dit le terme donc ici al masalih, on va trouver qu'elles ont différentes maratib, c'est-à-dire plusieurs niveaux, comme l'ont cité les savants. C'est-à-dire le premier niveau qui est al masalih al ulya, donc les intérêts qui sont du plus haut niveau. Le deuxième niveau, ce qu'on appelle al-masalih al-fadila, donc des intérêts qui sont en dessous du premier niveau et qu'on appelle donc fadila. Et ensuite masalih mutawassifa, c'est-à-dire des règles, des intérêts qui sont donc moyens, qui sont donc en troisième position. Et parmi ce qui est cité comme exemple et qui nous prouve cela, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kharajou l'imam al-Bukhari fi sahih, un hadith Abu Huraira. Le prophète sallam, il était questionné sur le meilleur des actes, ayyul amal afdal, c'est-à-dire il était questionné donc sur l'acte qui est le meilleur, ayyul amal afdal, qal iman billah wa rasoulih. Il a répondu, le prophète sallam, donc la foi en Allah azawajal et son prophète. Qil thumma mada, après cela, qu'est-ce qui vient après cela? Thumma. Donc on voit ici, c'est bien un ordre. Qil thumma mada. Donc ensuite, قال الجهاد في سبيل الله. Et ensuite, la guerre dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. قيل ثم ماذا؟ On lui a demandé, ensuite, qu'est-ce qu'il vient? قال حج مبرور. C'est-à-dire, le pèlerinage qui va être accepté, مبرور, qui va être pieux, accepté, qui sera donc parfait. Donc on voit ici qu'il y a bien trois niveaux. Et le premier niveau, comme l'a cité le prophète sallam, al-imanu billah wa a'zamu al-masalih et afdalwa, c'est le plus fort des intérêts et le plus grand. Quand on va retrouver à l'intérieur de cela tawhidullah, le tawhid d'Allah azza wa jalla, al-ubudiyyatu lahu, on va retrouver la soumission totale à Allah azza wa jalla, on va retrouver également tout ce qui rentre dans a'mal al-qulub comme al-khashya, comme al-khawf, la peur d'Allah azza wa jalla, al-tawakkul, al-mahabba, etc. Et ensuite le prophète sallam, il a cité al-jihad fi sabilillah. Et ensuite il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle donc al-hajj, al-hajj al-mabrour, donc qui va venir en troisième position. De même pour ce qui est de al-mafasid, on va trouver également ici trois catégories. Et parmi ce qu'ont cité les savants comme preuve, c'est le hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari, mais également l'imam muslim dans son authentique, le hadith Abdullah ibn Mas'ud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné ici de manière contraire au premier hadith sur ce qui était de pire comme péché. Souila ayu dhanb a'za, quel est le péché le pire? Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, antaj'ala lillahi niddan wa khalaqak. C'est-à-dire que tu places un associé à Allah azza wa jalla. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, alors que c'est lui qui t'a créé. Donc ici le polythéisme. Qil thumma ay, et ensuite qu'est-ce qui vient après? قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. Que tu tues donc ton enfant de peur que il se nourrisse avec toi, qu'il prenne donc de ta subsistance. قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. C'est-à-dire donc tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin. Donc ici on voit également qu'il y a à ce moment-là trois niveaux, qui est donc ici en ce qui est de pire, c'est ashirku billah et tout ce que ça entraîne comme mafasid, ayadan billah. Également, en deuxième catégorie ici, c'est le fait de tuer les enfants, de peur donc qu'ils prennent nos subsistances, qu'on soit donc obligé de les nourrir. Et bien entendu ici, parmi les mafasid, qatl al-nafs bi ghayri al-haq, de tuer donc une âme sans droit, etc. Et ensuite, dans la dernière des catégories, ici, donc le dernier des niveaux, c'est de faire la fornication. Mais la pire des fornications, de le faire avec la femme du voisin. Inam. Car on sait que le voisin, il a un grand droit. Haqqun azim. Min al-ihtiram wa at-tawqir, etc. On doit lui donner donc un grand respect. Et on sait donc la place qu'a le voisin dans l'islam. Et donc lorsque la personne, elle fait cet acte ignoble, et donc elle trahit la personne, elle a trahi à ce moment-là la personne dont il devait lui donner un grand droit. Et c'est pour ça que c'était le pire. C'était donc considéré comme minanwa al-zina al-akhbath al-a'dham, c'est-à-dire le pire des actes du zina, ayadan billah. Parmi les points également qui rentrent sous cette règle, c'est ce qu'on appelle al-ta'arud bayn al-hasanat. Lorsqu'il y a donc lorsqu'une opposition advient entre deux actes de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement lorsqu'on va avoir deux actes de bien à faire et qu'on ne peut faire que l'un d'eux. C'est-à-dire soit on va faire l'un d'eux et on va donc délaisser un des deux actes, ou alors on ne pourra les faire les deux en même temps. Donc c'est tout simplement faire le choix entre deux actes de bien ici. Donc la question qui va se poser, on est bien ici fi mas'alat al-masalih, c'est-à-dire quelle maslaha nuqaddim ala al-ukhra, c'est-à-dire quel va être ici l'intérêt que l'on va placer, qu'on va mettre en avant par rapport à l'autre. Et donc on va donner plusieurs exemples parce que il va y avoir ce qui rentre dans al-wajib, al-mustahab, بين الواجبين بين ce qu'on appelle également فرض العين وفرض الكفاية. Donc on va donner des exemples pour tout cela. Pour ce qui est de الواجب والمستحب. Donc à ce moment-là, c'est clair que si la personne entre deux actes qu'elle a la possibilité de faire et qu'elle ne pourra faire en même temps et qu'elle devra donc choisir au détriment d'un autre, si maintenant l'un de ces deux actes est wajib et l'autre est mustahab, فهو يقدم الواجب, bien entendu, c'est-à-dire si l'un des actes est obligatoire et l'autre il est surrogatoire, donc à ce moment-là il va mettre en avant ce qui est obligatoire. À titre d'exemple, si une personne elle est endettée, elle doit payer donc une dette et qu'elle a réussi à récolter un minimum d'argent et qu'il lui vient l'occasion de faire une sadaqa, donc une aumône, et on sait que bien entendu être daïn, c'est ce qui est obligatoire, même si la personne elle ne demande pas, c'est-à-dire maintenant j'ai demandé à une personne de l'argent, donc il est devenu mon créancier, et on s'est mis d'accord sur une date pour le remboursement. Lorsqu'elle advient cette date, il m'est obligé de rendre l'argent, et même si la personne elle ne demande pas, même si la personne là tout à l'heure, si elle ne demande pas donc, alors il reste obligatoire à la personne qu'elle donne cette dette. Et si elle demande, bien entendu, ça devient un cas plus important dans l'obligation. Donc la personne ici, bien entendu, elle devra payer sa dette avant de faire la sadaqa. Ça, c'est un exemple. Et même, certains savants étaient jusqu'à dire que si elle fait cette sadaqa alors qu'elle a une dette, alors cette sadaqa, elle n'est pas acceptée. Mardouda. Elle n'est pas acceptée, elle est mardouda. Donc on voit l'importance de ce point-là. De même pour ce qui est de l'waqf. Si par exemple une personne elle a une dette et elle veut faire un waqf, Taïb, on avait déjà expliqué ce qu'était donc le waqf. Elle veut donc donner un waqf, alors ce waqf-là il doit être annulé. Comme cela est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit que si donc une personne veut faire un waqf et à ce moment-là elle est endettée, alors ce waqf-là on doit le stopper et on doit l'annuler pour pouvoir donc rembourser la dette. Donc ici le maqsoud wa taqdim al-wajib al-mustahab. Maintenant, si ces deux wajib, si ces deux donc obligations qui viennent à un moment où on ne pourra donc faire que l'une d'entre elles au détriment de l'autre et qu'il nous est impossible de faire les deux en même temps. Donc ici c'est at-ta'arud bayn wajib wa wajibin. Alors à ce moment-là, on va tout simplement mettre en avant celui qui est le plus important dans l'obligation, qui pèse le plus lourd dans l'obligation. Ça, c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on est entre deux wajib. À titre d'exemple, une personne qui n'a jamais fait le hajj, qui n'a jamais fait le pèlerinage, elle fait un vœu de faire un pèlerinage. Donc à ce moment-là, la première obligation, c'est le hajj de ce vœu-là. Et la deuxième obligation, c'est Hajjatul al-Islam, c'est-à-dire qu'elle devra faire le Hajj de son Islam, vu qu'elle n'a jamais fait de Hajj auparavant. Certains savants donc ont dit à ce moment-là qu'elle devra commencer par le Hajj de l'Islam, c'est-à-dire le premier Hajj que l'on fait, ce qu'on appelle Hajj al-Islam, et qu'elle fera ensuite, l'année d'après, le Hajj qu'elle avait promis de faire à travers son vœu. Et certains savants ont dit, ça on le rappelle, donc c'est à titre de la divergence qu'il y a ici, certains savants ont dit non, ce qui est le plus important ici c'est un nafar, c'est-à-dire faire d'accomplir le hajj qui lui est devenu obligatoire de par son vœu. Ça c'est le madhab al-Shafi'i ou al-Malikiya, des Shafi'ites et des Malikites. Et certains ont dit, ça c'est un troisième avis pour cette question-là, certains ont dit que si il fait son hajj de l'islam, ça lui vaudra également pour son hajj qu'il devait faire de par son vœu. Alors qu'au lihal ici, simplement à titre de faïda qu'on le rappelle, on est bien ici dans le cas où il y a deux wajib qui viennent donc en opposition par rapport au moment de les faire. Et qu'on devra toujours, suivant les cas, mettre ou faire celui qui est le plus important dans l'obligation. Également ici, une autre question qui vient, c'est lorsque il y a une opposition entre ce qu'on appelle fard al-ayn ou fard al-kifaya. Fard al-ayn, on sait bien que c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute personne, qu'elle doit faire donc par elle-même. Chaque personne est responsable de le faire de par lui-même cet acte-là. Par contre, fardul kifaya, si une personne fait cet acte-là, alors yaskut al-wajib an al-akharin. C'est-à-dire une personne fait cette obligation, alors les autres n'auront pas à le faire. Comme par exemple à l'adhan. Ou alors comme par exemple qu'il y ait un imam. C'est-à-dire que la personne elle prie en tant qu'imam lorsqu'il y a une jama'a, etc. Donc ça c'est fardul kifaya. Lorsqu'il y a ici un ta'arud bayna fardul ayn et fardul kifaya, c'est-à-dire qu'ils deviennent en même temps et que la personne ne pourra faire que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, l'une des obligations, ou qu'elle devra faire l'une au détriment de l'autre. Ici les exemples qu'ils donnent les savants, c'est lorsqu'il y a le jihad fi sabilillah. Donc, la guerre dans le chemin d'Allah Azzawajal. Mais que ça rentre fi fard al-kifaya, c'est-à-dire que ce jihad-là, il n'est pas devenu obligatoire pour tout le monde, mais qu'une partie doit le faire. Et que la personne qui veut donc partir pour faire cette obligation, qui rentre donc fi fard al-kifaya, elle a, elle, une autre obligation, qui est fard al-ayn ici, et qui est de s'occuper de ses parents. Birrul walidain, c'est-à-dire qu'il a deux parents qui sont très vieux et qu'il est obligé de s'en occuper. Famada yuqaddim, famada yuqaddim, yuqaddim birrul walidain, c'est-à-dire donc qu'il va ici mettre en avant ce qui est fardu ayn, ce qui est donc obligatoire pour lui et qui est de s'occuper de ses parents. Également parmi les questions qui sont citées, lorsqu'il y a un ta'arud bayna sayyi'at. Donc ici on est dans le domaine des préjudices. Et l'exemple qui est donné, à titre d'exemple, qat'u yad as-sariq, c'est-à-dire lorsqu'on coupe la main du voleur. On sait que lorsqu'on va couper la main du voleur, automatiquement il va avoir ici une mafsada, le fait qu'on a coupé cette main-là à cette personne, qui donc aurait pu lui servir pour plus tard. Mais lorsqu'on s'aperçoit le mal de ne pas le faire et de laisser donc le vol se propager dans la société, alors on voit que al-mafsada, elle est encore plus grande. Et c'est pour ça donc à ce moment-là que la législation, elle a ordonné de couper la main du voleur. Donc il y a eu bel et bien ici ta'arud bayna mafsadatayn. Il y a eu donc une opposition entre deux mafsadas. Il y avait bien la présence de deux mafsadas ici. Mais on a regardé ce qui était la plus grave des mafsadas. Et donc on l'a mis en avant. Et donc à ce moment-là, pour ce qui est de l'exemple de couper la main du voleur, on coupe la main du voleur par rapport à la mafsada qui va être plus grande lorsqu'on laisse propager dans la société le vol. Ayadun billah. Un autre exemple également qui va être donné. Lorsqu'une femme, elle vit dans un pays non musulman, dans une terre de mécréance, donc qui devient pour elle l'obligation de faire l'hijra, l'exil. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle doit faire si elle n'a pas de mahram? Donc on va s'apercevoir qu'il y a ici deux mafsadas. La première mafsada, c'est le fait de rester fi bilad al-kufr, en terre de mécréance, et donc que cette femme-là, elle a peur pour sa religion, pour la pratique de sa religion, etc. Et l'autre mafsada, c'est qu'elle, si elle voyage, elle n'a pas de mahram, donc elle va voyager sans mahram. Mais c'est bien entendu, c'est interdit dans la religion. Et donc, ça représente bien une mafsada. Donc, qu'est-ce qu'elle va ici mettre en avant? Elle va regarder, bien entendu, une mafsada. Al-akbar wal-a'dham. Et quelle va être la plus grande mafsada ici? C'est le fait donc de rester fi bilad al-kufr. Et donc, d'être éprouvé dans sa religion, etc. C'est ça la plus grande mafsada. Donc, elle va mettre en avant cette mafsada et donc la délaisser. Et donc faire la mafsada qui va être moindre et qui est le fait donc de voyager sans mahram. Ça, c'est également un autre exemple qui rentre dans cette règle-là, sous cette règle-là. Pour ce qui est du dernier point, c'est que cet exemple qu'on a donné, ou les exemples qu'on a donné, ce qu'on dit de mafsada, ce n'est pas toujours à la ligne claire, ce n'est pas toujours absolu, dans ce que nous on pourrait croire, en'am. Et c'est pour ça que certains savants, comme l'imam Al-Izz ibn Abdussalam, dans son livre Qawa'id al-Ahkam, il va nous citer certains cas on ne peut appliquer cette règle de manière absolue. Il va nous donner l'exemple, si des ennemis venaient assiéger une contrée musulmane, et que si ces ennemis-là, ils demandaient donc à ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont assiégés, de leur livrer certains musulmans, même si ce n'était qu'un musulman, afin qu'ils le tuent et qu'ils délaissent le siège et qu'ils retournent chez eux. Alors à ce moment-là, on pourrait croire, on pourrait voir qu'il y a une mafsada, bien moins qu'un musulman se fasse tuer, que la contrée continue à être assiégée, et qu'il advienne le mal, et qu'il advienne donc peut-être la mort de beaucoup d'autres musulmans. Et à ce moment-là, on a un petit fort comme la main. C'est-à-dire ici consensus des savants sur le fait que on ne doit donner ce musulman. L'autre exemple également qui est donné, qui est souvent cité, c'est lorsqu'un groupe de musulmans se trouve sur un bateau et que le bateau va couler du fait du poids, du lourd poids de tous les musulmans. Et que si on jetait à l'eau un ou deux musulmans, ou certains musulmans, alors les autres resteraient en vie. Et que si on les laissait tous sur le bateau, alors tout le monde coulerait, tout le monde certainement mourirait. Et également, pour ce qui est de ce cas-là, on n'a pas le droit donc de jeter qui que ce soit parmi les musulmans, même une seule personne. Donc on voit en apparence que ces cas-là ne seraient pas appliqués par la règle qu'on a citée auparavant. Et parmi ce qu'a cité, il y en a comme jawab, il y en a comme réponse, ce qu'a cité Ibn Qayyim, rahmatullah alayh, il a dit tout simplement que al-nufus mustawiyatun fil isma, c'est-à-dire que toutes les âmes, elles sont toutes égales devant leur caractère sacré, par rapport donc à la vie de cette âme-là, et la vie qui est donc sacrée, al-isma. On a le droit donc de tuer une personne pour sauver donc les autres, même si c'est un par rapport à un grand nombre. Ça, c'est donc la raison qui était donnée. Également, ce qui rentre sous cette règle, qu'on est en face d'une maslaha et qu'on est en face d'une mafsada, et qu'on ne peut faire cette maslaha, qu'on ne peut obtenir donc cet intérêt qu'en faisant al-mafsada, qu'en faisant donc ce préjudice. Et l'exemple qui est le plus connu et qui est donné, c'est lorsque la personne, pour sauver sa vie, qu'elle se trouve à titre d'exemple dans une contrée désertique et qu'elle n'a devant elle qu'un animal mort, donc meyita, il lui est permis de manger donc ce mort, sachant que c'est interdit de manger le mort, al-meyita, akle meyita, c'est interdit dans la religion, bien entendu. Mais dans ce cas-là, pour sauver sa vie, donc sauver sa vie, c'est le maslaha, et manger le mort, c'est al-mafsada. Mais dans ce cas-là, pour sauver sa vie, il aura le droit de manger de ce mort-là. Donc on va voir la nature de l'al-maslaha ou al-mafsada. Et qu'ensuite, on va mettre ce qui est le plus important en avant. Par contre, on peut donner également une image qui va être contraire à celle-là. Si par exemple une personne elle est malade, elle est très malade, est-ce qu'elle a le droit de se guérir avec une chose qui est interdite? Par exemple, al-khamr. Là ici, bien entendu, ça va être l'interdit de se guérir avec al-kham, même si elle maslaha à ce moment-là, même si elle a un intérêt. Mais ici, al-mafsada va être bien plus importante. C'est-à-dire le fait de se guérir avec quelque chose qui est interdit. À titre d'exemple, ici al-kham, car on sait que à l'intérieur de ce dawa, il y a des choses qui sont néfastes et donc un préjudice, et qui va être bien plus important du fait que ça peut être une cause de guérison. Si on le prend comme dawa, c'est-à-dire qu'on le prend comme remède. Ça également, c'est un des exemples qu'ont cité les savants. Un autre exemple qui rentre toujours sous cet aspect-là, c'est une personne où elle doit rentrer dans ce qu'on appelle le domaine de al-mafsada pour qu'elle concrétise une maslaha. À titre d'exemple, al-da'watu ilallah, c'est-à-dire prêcher, ou al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, prêcher donc la religion et interdire le mal et ordonner le bien. Il se peut que la personne, lorsqu'elle veut faire cela, elle va être confrontée à ce qu'on appelle mafsada, c'est-à-dire le fait qu'elle soit fibilad al-kufr, titre d'exemple, dans un pays où donc elle façade, c'est-à-dire le mal, est prépondérant. Et donc cette personne-là, pour qu'elle reste pour appeler les gens à la religion, pour ordonner le bien et interdire le mal, elle va rester donc dans ce fiad al-makan, dans cet endroit-là. Et pour lui, c'est le mafsada, bien entendu. Et la réponse des savants, va diverger ici par rapport à la nature de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'une personne qui a la capacité, suffisamment de science, et qui a la capacité, la force d'être droit sur sa religion, et de continuer donc à appeler les gens, et qu'il advient donc par cela une maslaha, alors cette personne, elle peut rester. Par contre, une autre personne qui va être, elle, faible, beaucoup plus faible, qui a peur pour elle-même, et tout ce que cela va engendrer, alors cette personne-là, il ne lui est pas permis de concrétiser ce bien, si c'est donc à son détriment, détriment de sa religion. Et bien entendu, ça c'est un exemple, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont entrer dans cela. Si la personne également, elle fait da'wah dans un pays non musulman, que si elle, elle a la capacité de résister, mais elle a, elle, des enfants, et qu'elle a peur pour ses enfants, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et donc ici, les fatwas vont diverger, suivant les cas, suivant les personnes, les fatwas des savants vont diverger, et vont être appropriées à chaque cas. Donc c'est une chose également qu'il faut savoir, qui rentre également sous cette qa'ida. Il y a encore certaines choses qu'on pourrait dire, à la kulli hal, on va s'arrêter ici, pour ce qui est de cette première règle, et on continuera, inshallah, sur la deuxième règle, qui est tout aussi importante, le prochain cours, bi-ibnillahi ta'ala, subhanakallahu bihamdika, shadu an la ilaha illa anta,